Et je le reconnais, c'est toi qui depuis qui nous a. T'étais sur le toit, tu nous as. C'est lui qui a fait partout sur le toit, sur la Viens, pas de ma tombe, J'ai l'ange de gauche qui tout les jours m'épaule. Quand dans ma tête c'est le seul sur moi, il a le contrôle. Je veux le monopole et tout ce qui va avec. Je veux du pif, des bolides, pourquoi rester poli? Ici tout le monde se couche, l'ange de gauche me fait sortir la nuit. Qu'on se poursuit dans la ville, besoin d'adrénaline. 5-9 sur la plaque, on fuck les cops. Moi et toute mon équipe, l'ange de gauche me fait rêver de glock. On squatte les blocs, ici ça fait du troc. Ici rien que ça se moque, l'ange de gauche me fait investir dans la drogue. Tu veux grimper en flèche? Voici la méthode. Intitule la carotte, l'ange de gauche me pousse à trahir la confiance de tous mes potes. Je veux brasser du cash, sur ma vie faut que je m'arrache. L'ange de gauche me pousse vers les tentatives de braquage. On t'arrache le braquage, ici ça vend la mort. Le décor est morose, on s'écarte du deal. L'ange de gauche a promis de faire de moi le prince de ma ville. Putain, tire! Putain, tire! Chaque jour les pieds sur le sol, l'ange de droite me guide. Me dit de rester zen même si la chance me quitte. Je sais qu'il veille sur moi, fera en sorte que je m'échappe. Si l'ange de gauche me poursuit, pour pas qu'il me charme. Dans nos rues, le chétan a sa propre armée. Prend pour cible les miens, leur dit de ne pas s'alarmer. Oui la drogue ça tue, mais ça remplira vos poches. Si vous la vendez demain tous, vous roulerez en Porsche. Si l'ange de gauche te cause, écoute pas ses conseils. Il te promettra une villa, mais tu boufferas des conserves. J'compte plus. Nombre de types perdus, croyant que l'argent facile pour le choper, c'est pas dur, mec, j't'assure. Tu me crois pas, viens donc voir chez moi. Drogue, armes, violence, ai-je besoin de t'en faire un schéma? Non, j'crois pas, vu que c'est la merde partout. Tous on se baisse pour la même cause, donc c'est la même partout. Si l'ange de gauche me rencarde, j'irai pas au rendez-vous. J'le vois venir avec ses plans chelous pour faire entrer flouze. Combien nos potes sont tombés? Combien en France ont succombé au fils de l'ange de gauche et ont payé le prix fort? Triste au constat, rien que j'en parle, mon cœur se perfore. À toi de choisir entre le mal et le bien. On se comprend, je suppose, parce que mon monde c'est le tien. La vie c'est pas un jeu, mais une mission à accomplir. Si t'as d'estime pour l'ange de gauche, c'est que t'as vraiment rien compris. Le coup le plus rusé que le diable ait réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas. Mais tu crois quoi? Tu me parles de droit chemin, mais quand tu crèves de faim, personne te tend la main. Eh mais t'as cru quoi? Je n'ai jamais prétendu le contraire. Mais m'allier à ton parti reste pour moi la pire des contraintes. La mif, la haine, la crise, tellement d'arguments, le ghetto et son emprise. Si tu te mets à criser, tout le monde te méprise. Vaut mieux avancer seul qu'avec le mal comme compagnon. Fier de mes convictions, à lui je veux pas qu'on me compare, non. N'inverse pas les rôles, car ici tu n'es rien. Ton blabla, tes belles paroles me feront crever ici sans rien. T'auras beau dire ce que tu veux, moi perso je t'écoute pas. Tes conseils j'en rigole quand les gens y adhèrent pas. J'ai trop la haine, j'adhère au plaisir éphémère. J'ai fait ce que j'avais à faire, pour moi l'enfer est sur terre. À mes yeux tu resteras la pire des créatures. Par ta faute dans la vie, trop de frères font que des ratures. J'ai l'ange de gauche qui te gauche, les jours m'épaule, Chaque jour les pieds sont chaussés aux pieds, l'ange de droite me guide. J'ai l'ange de gauche qui te gauche, les jours m'épaule, Chaque jour les pieds sont chaussés aux pieds, l'ange de droite me guide.